Avec un cœur pur, je déplacerai les frontières. Et si l'esprit le permet, je referai l'univers. Mais j'ai le cœur blessé, la rue m'a trop frappé. D'échec en réussite, j'ai toujours plus avancé. Je veux une place au soleil, aujourd'hui c'en est trop. Je veux comme tout le monde, quitter le sud des plages du ghetto. Mais mon cœur manque de souffle, comme mon esprit se noie. Avoir une vraie vie, j'avoue franchement j'y crois pas. J'ai l'esprit corrompu, car trop tôt trop de vices. Trop tôt les tribunaux, trop tôt trop d'injustice. On veut tous monter, briser ce qui nous retient en bas. On fait rarement ce qu'on veut et pourtant on est là. Le béton assassine et mon cœur est en naufrage. Mais mes espoirs sont si forts que mon esprit voyage. J'ai peur, je veux plus jamais mener une vie de malheur. Mais la vraie vie se trouve dans nos têtes, dans nos cœurs. Dans la tête des nôtres, c'est violence et douleur. Dans le cœur des nôtres, c'est lutter pour un monde meilleur. On croque la vie dès l'enfance, mâche la tienne, pas celle des autres. Tant de sacrifices, trop de rêves perdus. C'est ici que ça se passe, pour tous ceux qui regardent ailleurs. C'est chaud dans les cités, mais c'est ici qu'il y a la vraie chaleur. Chaleur sur le bitume, ça rend nerveux et glandeur. C'est parce qu'on glande sur le même bitume, nos liens font notre grandeur. On a tous grandi ensemble, même si la vie a ses caprices. Dédicace à Mistaflo, isolés par leur justice. Ici c'est notre justice, celle qui leur fait si peur. Ils ont peur de notre monde, nous on lutte pour un monde meilleur. Le grade, il fait ta place sur le terrain, nous on lutte sur les graviers. C'est pas grave, les graviers on les jette sur les gavieux. Quand j'y pense, ça qu'ils attendent, faut qu'on stoppe. Mon but est de sortir du terrain pour les laisser en cloque. Ils se disent guerriers, c'est pas du toc. Mais nos racines, ils s'en moquent. Et notre haine finira petit à petit par moisir dans leur stock. Ils stockent nos gars, on s'en prie pour posséder notre rancœur. Ils oublient que ça n'a pas de prix. C'est dans nos têtes et dans nos cœurs. Dans la tête des nôtres, c'est violence et douleur. Dans le cœur des nôtres, c'est lutter pour un monde meilleur. On croque la vie dès l'enfance, mâche la tienne, pas celle des autres. Tant de sacrifices, trop de rêves perdus. Dans la tête des nôtres, c'est méfiance et rancœur. Dans le cœur des nôtres, les liens font notre grandeur. Un jour ça paye et là ça aide ceux qui se vautrent. Ici tu nais comme tu meurs, du berceau au tombeau. Paraît que j'ai ma tête et le monde pour m'offrir une place à l'ombre. Mon cœur est le péché pour aller simple vers la tombe. Soit, ma vie est chienne, je ferme les yeux sur mes mots. Mon paradis un spliff dans le bec au sud des plages du ghetto. Fier est mon attitude, comme à mon habitude. Même si trop de certitude accentue mon incertitude. Je n'ai aucune garantie quant au futur. Je ne suis qu'un mec dans ma ville avec le vice pour signature. S'attendant souvent au pire, en espérant le meilleur. La vie est traître, tels les sourires qui dissimulent rancœur. J'ai bu le vin du regret et maintenant j'en suis ivre. J'ai lu que la solution ne se trouvait dans aucun livre. Mec, faut se faire une raison, on porte l'étiquette mauvais garçon. La mer tu nous mines et la rime ne change pas la situation. La malchance me fait tort, l'amour avance ma mort. Excuse mon silence, ma musique adoucit mon sort. Dans la tête des nôtres, c'est violence et douleur. Dans le cœur des nôtres, c'est lutter pour un monde meilleur. On croque la vie dès l'enfance, mâche la tienne, pas celle des Tant autres. Tant de sacrifices, trop de rêves perdus. Dans la tête des nôtres, c'est méfiance et rancœur. Dans le cœur des nôtres, les liens font notre grandeur. Un jour ça paye et là ça aide ceux qui se vautrent. La vérité de cette vie, c'est quitter les plages du ghetto. Charlito, Charlito, Manukey, Manukey, Désilescro. Dans nos têtes et dans nos cœurs, dans nos cœurs. On croque la vie dès l'enfance, mâche la tienne et pas celle des autres. C'est ici que ça se passe, pour tous ceux qui regardent ailleurs. C'est chaud dans les cités, mais c'est ici qu'il y a la vraie chaleur. Paix, paix.